Cette émission vous est présentée par Avatar, centre d'artistes spécialisé dans la recherche, la création et la diffusion d'art audio et électronique. Sur les ondes de CKRL, c'est toujours la musique un peu particulière de ce dimanche soir qui vous accompagne. C'est maintenant l'heure de l'aérospatiale, mais de l'accroche-oreille. Jean-Pierre Gay qui est avec vous ce soir en l'absence de mon ami Gaétan puis de mon ami John qui sont tous les deux dans leur famille ou quelque part dans ses activités pascales. Et d'ailleurs, l'émission de ce soir va justement vous parler de ce beau temps où on a l'occasion ensemble de se retrouver en famille, puis de festoyer, puis de manger. Et surtout de manger, parce que je vais vous parler justement de manger. De manger dans le sens du manger, ou encore de l'acte de manger. Donc ce soir, on va vous parler de ça. Mais je veux d'abord vous rappeler que, et ça on oublie souvent de le faire, et j'ai le temps de le faire ce soir, de vous rappeler qu'on a toujours un site internet www.lacrocheoreille.wordpress.com où vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des entrevues, des sujets que nous avons abordés au cours de cette saison et même au cours des saisons précédentes. Mais aussi une adresse courriel où n'importe quand vous pouvez nous écrire qui s'appelle crocheoreille@gmail.com, où là, vous pouvez à la fois nous faire des demandes spéciales, nous faire des vos commentaires sur l'émission que nous faisons à chaque semaine, avec plaisir. Alors, ce soir, donc, on vous parle de musique qui tourne autour, de musique d'art sonore, qui tourne autour de l'idée de manger, de bouffe, des amis, de la famille. Moi, j'aime bien faire ce type de recherche, parce que quand on recherche autour d'un thème, ça nous amène souvent à sortir de nos zones de confort, et plutôt que de faire jouer ce qu'on connaît, bien, ça nous amène à explorer, et souvent à retrouver ou à redécouvrir des sons, des œuvres qu'on avait oubliées. Alors, je vous présente donc, pour commencer, René Lucier, 1989, tiré de son je dirais peut-être une des œuvres les plus importantes dans l'art sonore, dans l'art contemporain sonore québécois, il s'agit de cette fameuse œuvre qui s'intitule Le Trésor de la langue et qui a été réalisée dans le cadre des fin des années 80 et qui a été rééditée il y a quelques années. Donc, de ce trésor de la langue réédité, il y a aussi des inédits qui ont été présents, qui ont été ressortis. Et j'ai donc choisi Les Limbes et L'Heure du dîner. J'ai mis les deux ensemble parce que L'Heure du dîner, c'est peut-être une œuvre qui fait à peu près 5 secondes, puis Les Limbes fait tout le reste. Alors, Les Limbes et L'Heure du dîner. Et tout de suite, on va enchaîner avec Laurence Petitpas, tiré justement de ces disques de Folie Culture, des ateliers sonores de Folie Culture qui ont lieu à chaque année et auxquels on a eu l'occasion de rendre hommage et même de témoigner ici. Donc, tiré de Beaucoup de bruit pour voir encore, Laurence Petitpas, une œuvre qui s'intitule Mamie Nourriture. Mais commençons par René Lucier. Les archives, c'est juste en sortant de l'ascenseur, la porte à côté. Je ne sais pas si c'est quoi que l'on a. Les hommes qui sont là aussi. Aucune idée, je ne connais pas. Non plus. Ça sonne. je pense. Et c'est quoi la flèche que là? Flèche! Ok, l'on sait, c'est ça. Bon, c'est que c'est 7 ans! Ça a été ça dans des... Des ragoûts de lard, des ragoûts de pâte de cochon, des boulets, des ragoûts de boulets. Très bon. De beaucoup de hachis, beaucoup de soupe. Puis des bouillies de légumes, des crétons, de la tête à fromager ou des rôtis de porc, délicieux. De la graisse de rôti. Délicieux, délicieux, délicieux. De la viande, des carcasses, de la tête de porc. Du porc dans l'épaule, une patte de porc, beaucoup d'oignons, aspic gélatine. Oh, 10 cerges de la morue. Beaucoup d'oignons partout. Très bon. Une morue assez grosse. Bon. Un petit poisson, une bébite, 5 minutes de chaque côté à peine. Hein. Du sel. Oh, c'est un poisson, ça doit être bon à manger. Délicieux, très bon. Délicieux, très, très, très bon. Bébite, toutes bébite, sortes de recettes. Très, très, très délicieux, délicieux. Oh, très bon. Oh, très bon. Délicieux, délicieux. Très, très, très, très, très bon. C'était tiré justement de ces œuvres qui ont été produites dans le cadre des ateliers sonores de Folie Culture. On enchaîne toujours avec l'idée de la bouffe. Et maintenant, on va parler de ce qui est, je dirais, l'essentiel de la n'importe quelle nourriture, je dirais n'importe où sur la planète, le pain. Alors, deux œuvres qui tournent autour de l'idée du pain. Qui sont tirés de ces fameux disques, on parlait tantôt de René Lucier, mais Ambiance magnétique, c'est probablement l'étiquette qui a été la première à mettre de l'avant ce type d'art, de musique un peu autre, qui se présente autrement. Donc, deux œuvres qui tournent autour de l'idée du pain. Les poules qui sont, qui est un groupe qui comprend j'ai perdu les poules, il comprend Joanne Etu, Diane Labrosse et Joanne Parlardi-Roger à la batterie. Donc les poules tirées d'Ambiance magnétique, la chanson du pain, et on va enchaîner avec une œuvre de René Lucier et Jean Larose, Jean de Rome cette fois-ci, qui s'intitule Petit pain, quand on est né pour un petit pain. Alors voilà. Thank you. C'était Jean de Rome et René Lucier tiré d'un disque. Oups. Ça, c'était La Bombe. La Bombe, c'est aussi une chanson assez agréable de nos amis Lucier et de Rome, et qui parlait justement de l'amour, de cette espèce d'amour infini. La bombe ne saurait détruire tout l'amour qu'il y a entre toi et moi. Mais voilà, c'est pas dans le propos de l'émission de ce soir. Alors, on enchaîne, comme je vous le disais, avec maintenant, toujours dans l'idée de la bouffe, des denrées alimentaires, Avatar. Il sera question ici de poissons et de ketchup. Avatar, tiré d'un disque qui s'appelle Covers, qui réunissait toute une série d'artistes qui avaient, dans un premier temps, présenté une œuvre et par-dessus laquelle tous les 9 autres participants, c'était un projet où il y avait 10 artistes qui chacun a réalisé une première œuvre et sur laquelle tous les 10 autres sont intervenus, et à la fin, l'œuvre, évidemment, n'avait plus du tout le même sens. Alors, celle que je vous présente, elle est du collectif, justement, qui comprenait toutes sortes de monde, comme évidemment Jocelyn Robert, mais plein d'autres mondes. Donc, c'est celle que je vous présente s'intitule « Petit poisson marin ». Et on va enchaîner tout de suite après par quelqu'un d'autre qui est une jeune artiste qui vient justement de faire ses premiers pas dans le milieu de l'art sonore, Carole-Anne Belzile, qui a justement présenté un disque qui parlait d'odeurs sonores et qui a notamment, lors du lancement de ce disque-là, créé un gâteau, fait une espèce de performance où elle a créé ce gâteau et qui était l'occasion justement de lancer ce disque sonore autour de l'idée de la bouffe. La pièce que j'ai retenue pour ce soir et qui va à peu près dans le même sens que notre poisson, et qui est mais qui n'est pas tout à fait du poisson, mais c'est le ketchup qui va avec. Alors ça s'intitule « Ketchup, le rituel ». Mais on commence par l'œuvre des 10 artistes de Covers. avec Petit Poisson Marin. Et voilà, c'était la toute petite œuvre de Carole-Anne, Belzile Normand. On enchaîne avec deux autres œuvres qui encore là parlent de bouffe. Une exception ce soir, je vous présente une œuvre d'un artiste qu'on est habitué d'entendre du côté plus de la chanson, plus, je dirais pas traditionnelle, mais la chanson habituelle, la chanson française. Il s'agit de Bory. Bory qu'on a tous connu, qui est très théâtral, qui a des chansons dont les textes sont fort importants, qui parlent de la vie, qui parlent des enjeux humains et tout ça, et qui a produit... on appelle ça une trilogie, là, mais même si c'est pas vraiment une trilogie d'un point de vue des disques, il a produit une série de trois disques dont le premier s'appelait Ballade, Salade, et le troisième, il s'appelait Malade. Et moi, j'avais eu l'occasion de le rencontrer ici à CKRL, et on s'était croisés, puis on avait parlé un peu dehors, en placotant comme ça sur ce qu'on faisait chacun, non pas sur ce qu'on faisait chacun de notre côté, mais lui me demandait ce que je faisais ici à CKRL, et je lui parlais de mon projet, de faire ce qu'on fait ici tous les dimanches soirs, soit des émissions en art sonore. Et il se demandait un peu ce que c'était, mais il dit, moi, je pense que je fais des affaires un peu dans le genre dont tu parles. Puis il dit, je suis en train de songer à ça, puis je vais faire mon disque qui s'appelle Malade. Je pense qu'il va s'appeler Malade, c'est ce qu'il me disait à l'époque. Alors, j'ai donc eu ce disque-là, Malade, Et c'est la première fois que j'ai l'occasion de faire jouer Bory dans un contre-genre. Bory, qui est un auteur à texte, bien, cette fois-ci, il nous présente quelque chose où le texte est un peu banal et où la forme aussi musicale est assez inhabituelle de son côté. Donc, une pièce de Bory qui s'intitule Peanut Popcorn Crème Glacée. Crème en glace, pardon. Et on va enchaîner avec Hélène Matt, tirée de son disque Levé du jour sur Kinshasa, qui était une espèce de projet qu'elle avait assumé justement là-bas, à Kinshasa, où elle témoignait de ce qu'elle avait vécu là-bas, et où elle parle de quelqu'un qui a la bouche pleine. Et on va s'en aller vers la pause publicitaire, publicitaire, appelons-la comme ça, avec Nathalie Derome, une autre classique de cette belle gang de Lucier, Derome et compagnie, tiré de l'anniversaire de l'art, un disque qui a été produit il y a quelques années, lors de l'anniversaire de l'art, et qui parle de quelqu'un qui est parti sur l'ago, dans toutes ces fêtes, toutes ces événements qui entourent, que ce soit Pâques, Noël ou quoi que ce soit. Il y a toujours quelqu'un qui part sur l'ago, puis dont on perd la trace dans ces parties-là. Alors, c'est une chanson de Nathalie Derome. Mais on commence avec Bory, tiré de Malade. Voilà. Bruit de foule. Peanut, popcorn, crème à glace. Peanuts, popcorn, ice cream, crème à glace. Achetez le programme de la soirée. Peanut, popcorn, crème à glace. Thank you. On n'entend pas celui qui a la bouche pleine. Écoutez tous les lundis 18h30 l'émission de littérature Les bouquins d'abord. Cette émission vous est présentée par la librairie Pantoute. Fondée il y a plus de 40 ans par des passionnés du livre, la librairie Pantoute n'a jamais cessé de grandir pour devenir l'une des plus importantes librairies de fonds au Québec. Avec maintenant 2 succursales et plus de 50 000 titres en inventaire, Pantoute vous offre une grande diversité de livres. Romans, essais, BD, jeunesse, poésie, théâtre. Des livres qu'on ne trouve pas nécessairement ailleurs. Pantoute, c'est aussi une trentaine de libraires qui lisent, se renseignent, mais surtout vous écoutent et vous informent judicieusement. LibrairiePantoute.com, un service conseil reconnu depuis 1972 et des milliers de livres testés sur des libraires. Vous voulez plonger dans l'univers des arts visuels à Québec? Vous voulez aller à la rencontre de ces artisans? Ne manquez pas le seul magazine radiophonique entièrement dédié à l'univers des arts visuels, l'Aérospatial, animé par Julie Gagné. Revue de presse, sélection audio, entrevues, commentaires. Une heure par semaine pour vous faire vivre et découvrir cette discipline. L'Aérospatial, les mardis de 17h30 à 18h30 sur CKRL 89.1. Des fois, dans les actes, dans les... Tu sais, quand je suis sur la scène, j'ai l'impression que c'est à la manière des anges. Il y a beaucoup de fois dans ma vie où j'ai l'impression que il y a quelque chose de beaucoup plus grand, une entité plus grande qui me parle, puis qui me soulève, puis qui fait que je touche à quelque chose. Ardente et lumineuse, Mara Tremblay, à Sentier Secret, mardi 7 avril, à 10h. On devrait être très humble et se laisser emporter des fois par ces espèces de vibrations qui viennent d'on ne sait pas où. Cette émission vous est présentée par Avatar, centre d'artistes spécialisé dans la recherche, la création et la diffusion d'art audio et électronique. Deuxième demi-heure de la croche-oreille, c'est toujours Jean-Pierre Gay qui est avec vous, qui est tout seul, mais qui n'est pas vraiment tout seul parce que vous êtes là, mais qui est tout seul sans ses deux collègues, John et Gaétan, qui évidemment sont dans leur famille probablement aujourd'hui. Et bon, voilà, je suis là, mais avec tout mon bagage qui fait un peu penser à cette fête de Pâques où on mange, où on prend du bon temps entre amis, en famille et tout ça. Alors, donc ma thématique ce soir, puisqu'il y a une thématique, et qui est d'ailleurs une thématique qui est toujours l'occasion de fouiller dans ma discothèque, ben ma thématique, c'est justement la bouffe et les bonnes choses qu'on peut faire ensemble lors de Pâques, une fête familiale, une fête de partage, comme on dirait. Prochain bloc, d'abord nous aurons... Il va être question de volaille dans ce bloc-là. Parce qu'évidemment, ma mère appelait ça le dinde. On mange du dinde, mais il n'y en aura pas de dinde dans ce bloc-là. Mais il y aura de la volaille. Première pièce de Devil Dandy, quelqu'un qu'on a eu l'occasion de recevoir ici, tiré de son premier album qui s'appelle Album Compilation. Album, non pas Album Compilation, mais c'est Devil Dandy tout simplement, mais qui comprend deux CD, dont un qui est une compilation des années 2013-14 évidemment. Donc une pièce qui s'intitule Poulet aux prunes, et on va enchaîner avec El Tractor, qui est un beau projet d'Avatar, qui avait regroupé tout un paquet de monde, qui ont fait des sessions d'improvisation à la fois audio et vidéo, qui étaient supervisées par deux artistes qui s'appellent David Michaud et Boris Firquet, qui avaient plusieurs invités, dont les classiques, là, Jocelyn Robert et autres. Et par la suite, et ce qu'on va entendre, la pièce qui s'intitule Canard Tech, elle est justement tirée de cet enregistrement audio et vidéo, comme on dirait, live. Il n'y a pas eu d'épuration par la suite. Mais on commence par notre ami Devil Dandy. Thank you. Alors, c'était El Tracteur. Vous aurez probablement noté, et je vous en félicite, que la pièce que je vous ai présentée de Devil Dandy n'était absolument pas celle qui était prévue, quoique elle était quand même, parce que Devil Dandy a deux CD sur, dans le même projet, et j'ai présenté celle du deuxième CD, qui a quand même assez rapport, puisqu'il s'agit de Gravy. Donc, mais ce n'était pas celle que je vous avais annoncée. On va enchaîner avec deux champions canadiens, je dirais. deux grands Canadiens de l'art sonore. Hélène Prévost, qui a eu pendant longtemps une émission à Radio-Canada, dans le temps où Radio-Canada avait une chaîne culturelle qui osait aussi présenter ce type de musique ou d'espace sonore. Donc, Hélène Prévost, un disque qu'elle a préparé pour nous à cette émission d'un certain nombre d'extraits. Alors, je vous en présente un qui s'intitule Mardi Spaghetti. Et on va enchaîner avec Paul Dutton, un artiste dont l'instrument est la bouche et une pièce qui est tout à fait désignée. Quand on aime quelque chose, ben on fait « Mmm ». Alors, vous allez entendre Paul Dutton y aller avec ses deux lèvres. Mais pour commencer, Hélène Prévost. Alors, c'était Nathalie de Rome. Ben, il va être encore question de bouffe, évidemment. Voici, c'est un artiste de Sherbrooke qui s'appelle Noisefer CWU. C'est un artiste qui a un nom assez particulier, mais c'est ce qu'il faut pour faire de l'art sonore. Et on va écouter de lui une pièce qui est la troisième. Et voilà. On n'est pas du tout dans le même registre, par contre. Thank you. C'était Alexander McSween, un artiste de Montréal, avec Chapel of Love, donc beaucoup d'amour dans ce dimanche de Pâques. On vous laisse là-dessus et on vous dit bien à la semaine prochaine. C'était Jean-Pierre Gay, au nom de l'Accroche-Oreille. Revenez-nous bientôt. Bye-bye. Téléchargez la croche-oreille sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. À soir, on fait peur au monde. Il n'y a pas une guerre, comprends-tu, qui arrive de façon fortuite? Ben oui! Il y a des personnes qui pensent à ces choses-là. Les Américains ont financé en premier l'Iran avec des ventes d'armes illégales. Quand ils ont vu que l'Iran était pour gagner, ils ont financé l'Irak. Quand ils ont vu que l'Irak commençait à gagner, ils ont commencé à financer l'imam Khomeini en Iran. Ils veulent que les deux pays se crèvent mutuellement. Quand les deux pays sont complètement affaiblis, ben les compagnies de reconstruction, le Armed Corps of Engineers, arrivent sur place, ils vont tout reconstruire. C'est vieux comme le monde. C'est toujours le même modus operandi. C'est pas dur à comprendre. Ils font du nation building. Et un coup que le Armed Corps of Engineers du Pentagone a reconstruit, comprends-tu, tout ce qu'il a reconstruit là-bas, là, les 7 sœurs du pétrole arrivent. Et en premier, les 5 sœurs américaines, comprends-tu, Exxon, Mobil, avec Chevron, Conoco, ils vont arriver, puis là, eux autres, ils vont dire, « Hey, wow, wow, tu pétrole ici? » Pas de problème. Les infrastructures sont déménagées, tout, on va tout en faire, les infrastructures, pas de problème. Et puis, il faut que le pétrole coule dans un centre, pas vers la Chine, pas vers la Russie, ça coule ici, vers la Méditerranée, vers l'Occident. C'est eux autres qui mettons une balle, un goulot d'étranglement. Celui qui contrôle le goulot, contrôle le marché du pétrole. C'est pas compliqué. Et le pétrole est listé au West Texas Intermediate sur le marché, justement, boursier. Et ça, ça se fait de même depuis les années 80. Cette émission vous a été présentée par Avatar, Centre d'artistes de Québec spécialisé en art audio et électronique.